Coexprime sur Fadjet, présenté par l'association Coexister Nancy. Bonjour et bienvenue sur Coexprime, une émission d'échange entre jeunes de différentes convictions. Je suis Maxime, votre animateur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission sur le thème de l'engagement des jeunes. Donc, je suis avec Éléonore de l'association Coexister. Bonjour. Et avec Christine de l'association Anime Ma Fac. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter et présenter vos associations, du coup. Moi, c'est Éléonore, donc, comme tu l'as dit, de Coexister. Coexister, c'est une association d'éducation populaire qui a pour but de créer du lien entre des jeunes de différentes convictions, que ça soit des convictions religieuses ou spirituelles. Le but, c'est un peu de casser les préjugés, de former un peu à la laïcité et surtout, en fait, de promouvoir un maximum le vivre ensemble. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, du coup ? On est sur Instagram et sur Facebook. Nous, c'est Coexister Nancy, du coup. Du coup, @coexister sur les réseaux. C'est ça. Et du coup, Christine ? Moi, je suis Christine, en service civique pour une association qui s'appelle Anima Fac. J'ai commencé en septembre. L'association, c'est une association qui est à l'échelle nationale, qui va encourager l'engagement des étudiants et l'accompagner. Moi, mon service civique, il est basé à Nancy. Et mon objectif, ça va être d'accompagner des associations étudiantes, les rencontrer, voir les problématiques, faire en sorte qu'elles se rencontrent aussi entre elles et montent des projets ensemble. Et c'est vraiment créer de la cohésion entre les assos, faire une sorte d'émulsion d'idées, de projets et de vie étudiante au-delà de la vie en campus et dans les amphis. Voilà. Très bien. Et du coup, quels sont vos rôles dans vos associations ? Mon rôle très pratique, c'est vraiment d'organiser des événements pour les associations étudiantes. Après, il y a plein d'autres choses aussi. Je disais que c'est une association à l'échelle nationale. Il y a aussi des projets, des plaidoyers qui sont portés à l'échelle nationale. Donc, en vrai, mes événements, c'est pas que pour les associations de Nancy. Il y a aussi les sensibiliser à des dynamiques, à des projets à plus grande échelle. Je vais aussi faire des choses en lien avec ça. Et après, ça va être aussi une question de plaidoyer, entre guillemets, d'aller voir des institutions. Vu que je suis en lien avec plusieurs associations, je peux avoir des problématiques qui se rejoignent, qui se recroisent. Et du coup, on va essayer d'aller rencontrer les universités, le CROUS ou la mairie, en fonction de ce qui se passe, pour essayer de défendre les jeunes, les associations, les étudiants, etc. D'accord. Et pourquoi tu t'es engagée dans cette association ? Alors, j'ai un long parcours bénévole avant. J'étais à une autre association qui s'appelle ESN, Erasmus Student Network, qui est une association qui fait partie d'Anima Fac, parce que c'est assez compliqué, parce que c'est le modèle associatif, mais c'est une association d'associations. Donc on est au CA de l'association, donc je connaissais Anima Fac de base, et j'ai fini une licence en études culturelles, et je me suis dit, j'ai envie de prendre une année de pause pour réfléchir à ce que je veux faire plus tard. Le service civique me plaisait pour avoir le temps d'avoir d'autres engagements associatifs à côté, et Anima Fac me plaît par ses missions et ses valeurs qui sont promulguées, donc du coup ça se croisait bien, et j'ai candidaté et j'ai été prise, voilà. Très bien. Et toi, Léonore ? La question de base, c'est qu'est-ce que je fais à Coexister ? Moi, cette année, je suis responsable communication, donc c'est moi qui m'occupe un peu des réseaux sociaux, de parler de nos événements, etc. Après, dans tous les cas, on est un groupe où chacun fait un peu tout, donc je m'occupe aussi un peu de m'occuper, d'organiser les événements, donner les idées de qu'est-ce qu'on va faire finalement. À la base, moi j'avais fait un service civique l'année dernière à Coexister aussi, donc comme Chris. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'asso, je la connaissais pas à la base. J'avais vraiment envie de m'engager dans une association, donc c'est comme ça que c'est parti, quoi. D'accord, très bien. Bon, on va commencer avec la première partie. Donc vis-à-vis de vos expériences, quel est votre point de vue sur ce qu'apporte l'engagement pour vous donc et pour la société ? Pour moi, en fait, je trouve que c'est super important de s'engager pour la société parce que, on a besoin de faire passer des messages et de faire passer nos valeurs. J'ai l'impression que la société, elle évolue en permanence, que les codes, les valeurs, elles changent tout le temps. Et on a besoin d'avoir des assos ou des groupes de personnes dynamiques qui peuvent faire passer ces messages-là, les mettre en place dans la société en tout cas et faire en sorte qu'il y ait des voix qui soient portées, quoi. Pour moi, c'est pour ça que c'est super important de s'engager. Et puis aussi, pour soi, personnellement, un engagement. Moi, mon expérience, c'est que ça m'a apporté énormément de choses sur comprendre mieux comment la société fonctionne, avoir beaucoup plus de confiance en moi parce que tu mets en place tes idées, tu vois concrètement qu'est-ce qui se passe quand t'agis. Tu dis « Ah bah oui, en fait, je peux le faire, quoi. » Et du coup, moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi et aussi plein de savoir-faire, savoir-être que t'apprends pas forcément facilement ailleurs, ou alors plus tard avec l'expérience dans le métier, mais en tout cas, du coup, tu peux l'apprendre dans un contexte qui est ultra bienveillant, ultra cool et où tu vois vraiment des choses concrètes se passer, quoi. Très bien. Voilà, tout a été très bien dit. Je suis totalement d'accord sur la partie savoir-être et savoir-faire. C'est des choses qu'on essaie vraiment de conscientiser parce que souvent on s'en rend pas compte. Il y a plein d'enjeux aussi de créer du lien avec des personnes. L'engagement, c'est en vrai des groupes de personnes qui se forment. Donc il y a à petite échelle des petits groupes démocratiques, des changements de même individuel. On apprend énormément de choses sur qui on est, son environnement. Du coup, il y a tout un développement personnel associé à ça. Après, je pense pas que ce soit l'objectif en général des gens qui s'engagent. Au niveau sociétal, ça va être plus prendre conscience de son environnement. Au final, l'engagement, on n'en a pas parlé, mais c'est un terme très vague. Ça peut être faire partie d'une association, mais ça peut aussi être des choses qui paraissent plus banales, comme qu'est-ce qu'on achète, comment on mange, etc. Donc il y a vraiment plein de choses à voir là-dessus. À l'échelle personnelle, du coup, moi, je dirais bien prendre conscience de son environnement, créer des connexions aussi avec les gens, si c'est plus à l'échelle d'un collectif ou d'une association, donc créer du lien et réfléchir à comment monter des projets et faire des choses, donc plein de développement associé à ça, donc ce que tu disais de savoir-faire et savoir-être. Et pour la société, c'est des gens qui sont plus conscients de ce qui s'entoure, donc ils vont être plus actifs dans la société, entre guillemets. Et du coup, pour moi, c'est que du bénéfique pour tout le monde. Et ouais, voilà. Et personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans ces associations ? C'est vraiment un endroit où je vais aller avec le sourire, parce que je sais que je vais rencontrer plein de gens qui sont super cool. Enfin ouais, c'est déjà des rencontres en fait, déjà des rencontres de plein de gens qui ont les mêmes valeurs que moi, mais un parcours totalement différent, du coup on va se compléter, on va s'apprendre plein de trucs. Donc ça fait toujours des super belles expériences. Je vais apprendre plein de trucs au niveau de... Enfin, je sais même pas quoi dire, parce que t'as tellement de choses différentes que tu fais dans mon asso en tout cas, et je pense dans toutes les assos, que là je suis responsable communication, j'apprends à gérer une page Instagram, des choses comme ça. Donc il y a à la fois le côté apprentissage et à la fois le côté je vais juste passer des moments cool et je me détends et je profite et c'est trop bien, quoi. Je suis assez d'accord sur tout, encore une fois. Il y a beaucoup l'aspect de rencontre. Moi, je rencontre vraiment plein de gens. Du coup, les premières missions que j'avais à faire, c'était vraiment aller rencontrer des associations. Du coup, j'ai rencontré plein de gens engagés dans plein de domaines différents. Et vraiment, tout ça, c'est passionnant. Et moi, ça me donne envie de faire encore plus de choses. Enfin, c'est vraiment un cercle vertueux, un peu. Donc, c'est vraiment top, tout ça. Au-delà de ça, AnimaFac, pour moi, c'est vraiment un terrain de jeu aussi. Parce que du coup, je suis dans une situation de service civique qui fait que je peux monter des projets, et le cadre AnimaFac est top pour ça, pour nous laisser avoir un peu un champ libre de ce qu'on peut faire. Et du coup, là, je m'amuse beaucoup à imaginer des projets et essayer de les mettre en place. Après, il y a tout le côté très pratique de comment mettre en place un projet de certaines plus ou moins grande envergure. Donc là, c'est des choses très techniques. Et ça, tu dois connaître sûrement, mais le côté service civique aussi, ça permet aussi de réfléchir à ce que tu veux faire plus tard. Et du coup, l'engagement, c'est aussi savoir... quelle va être notre place dans la société après. Moi, ça va être plus dans un travail ou dans des études. Et du coup, il y a tout ça qui est mélangé. Mais quand même, le côté rencontre, c'est très important. Mais je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est trop important. Il y a deux points. Vraiment, ça me donne encore plus envie de faire des choses. Mais vraiment, moi, je le vois vraiment comme ça aussi. Ça me donne en fait plein d'énergie pour agir parce que comme t'es tout le temps dans une dynamique, ça me donne énormément d'énergie. Et puis comme tu dis, prendre le temps, ça te fait réfléchir à quitter et qu'est-ce que tu vas faire après aussi. Et ça c'est super important, ouais. Et puis ça peut te permettre de sortir d'une certaine routine qui peut s'installer au fil du temps avec tes études ou avec ton travail, etc. Et puis ça peut te sortir de ça et puis de rencontrer des gens. Ça peut apporter plein de nouvelles choses, ouais. Étant donné que vos associations sont totalement composées de jeunes, à l'heure actuelle, que pensez-vous être la place des jeunes dans la société ? Du coup, comme disait Christine... En fait, on est dans une période où, on, enfin, on a plein d'idées en fait, on définit un peu ce qu'on va faire après, on est en recherche. D'un côté, on se définit nous-mêmes, mais on définit aussi ce qu'on veut, enfin ce que veut être notre vie plus tard. Je pense que c'est super important que on ait une voix qui porte en fait dans la société, parce que d'un côté, on a beaucoup de dynamique et beaucoup de temps en fait aussi à accorder à la société, et d'un côté, on a plein d'idées. Du coup, je sais pas trop comment expliquer la place qu'on a actuellement, mais en tout cas, on a une place de on est entre deux, quoi. On n'est pas encore des adultes, mais en même temps, on a vraiment une place et un rôle important dans la société. Je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y a tout un enjeu de l'engagement des jeunes au sens large. Juste une petite correction. En fait, à Animafac, on a des salariés, il y a différentes tranches d'âge. Bon, après, ça reste des salariés assez jeunes, mais c'est pas non plus, ils sont plus étudiants, quoi, en tout cas. Mais après, moi, dans mon travail, j'accompagne les assos étudiantes et là, du coup, des étudiants. Juste pour que ce soit tout clair. Mais du coup, pour l'engagement des jeunes, il y a plein d'enjeux. Malgré toutes les idées qu'on se fait, en vrai, je pense que les jeunes sont pas tant que ça représentés dans tout ce qui est organes décisionnels, de démocratie, de citoyenneté. Et du coup, le fait que nous, on s'engage, qu'on veuille défendre des choses, ça, c'est aussi nous redonner une voix qui est parfois un peu effacée. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Au-delà de ça, il y a aussi tout le côté innovation. Ouais, c'est pas le meilleur mot pour expliquer ça, mais les jeunes, de ce qu'on voit, sont engagés dans plein de causes qui ont été un peu effacées dans les générations passées. Je pense aux violences sexistes ou sexuelles, ou même l'écologie. Les jeunes sont un grand public qui vont défendre ces choses-là, parce que c'est les personnes qui veulent un avenir meilleur pour eux-mêmes. Bon, ça paraît égoïste comme ça, mais du coup, il y a plein de sujets qui sont propres à la jeunesse, et qui sont pas trop dans les discussions, dans les médias ou autres. Et du coup, il y a tout cet enjeu-là de l'engagement des jeunes. Donc c'est créer une société meilleure pour toutes et tous, même ceux qui n'ont pas trop de voix pour le moment, je pense. Pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce que vous pensez du coup que les jeunes ont assez d'importance dans la société en ce moment? Qu'est-ce que tu veux dire par importance? Qu'on les écoute assez, qu'on leur donne assez d'importance en général, qu'on les considère assez, quoi. Ok. Pour moi, du coup, c'est jamais assez, je pense. Sans vouloir dire je veux avoir ma propre équipe et défendre mon propre terrain, c'est même pas ça. C'est plus que les jeunes sont peu considérés et il y a un peu quelque chose qui est acquis par la société, c'est que les jeunes vont être en galère, ils vont être dans des situations précaires parce que c'est admis que les jeunes, c'est ça. Et du coup, il y a aussi reprendre la main sur notre propre identité, notre propre groupe. Enfin, après, il y a une multitude de jeunes. Hein. Je veux pas faire une sorte de mise en commun. Personne n'est pareil, il y a plein de choses. Mais justement, le mettre en avant aussi, cette diversité-là. Et du coup, pour moi, non, les jeunes ne sont pas assez représentés. Ou alors, ceux qui vont être représentés, ça va être des copies-collées des personnes adultes qu'on a actuellement, quoi. Donc, voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Comme tu dis, dans la sphère politique, c'est très très rare qu'on voit vraiment des jeunes. Enfin, là, Macron, on se dit, waouh, il est super jeune. Il a 40 ans quand même. Enfin, c'est pas la jeunesse que nous on a. Et c'est dommage parce que, comme on disait, on a plein d'énergie, on a plein de temps, on a plein d'idées. Et c'est pour nous que la société, sera là. Enfin, c'est nous qui allons vivre encore le plus longtemps dans la société actuelle. Du coup, je pense qu'on devrait pouvoir porter plus encore la voix des jeunes dans la société. J'allais rebondir rapidement par rapport à ce que tu dis. Il y a aussi l'enjeu de les jeunes ont une sorte de créativité, je trouve, dans leur engagement. Vu qu'on n'est pas habitué à des structures, à des schémas habituels, on va plus facilement créer de nouvelles choses, de nouvelles idées. C'est un peu on n'est pas habitué à la culture de l'engagement qui est normée. Waouh, j'utilise trop des mots chiants, je suis désolée. mais il y a vraiment une manière de s'engager, un parcours un peu, et c'est assez limité. Et les jeunes ont aussi cette force de dire, non, moi, j'ai pas envie de forcément rentrer dans une association, je veux faire mon collectif, je veux faire mon truc de mon côté avec mes potes. Et ils le font, et elles le font, donc c'est top aussi de ce côté-là. Et du coup, par quel moyen vous pensez qu'on peut prendre de l'importance en tant que jeune en ce moment? Franchement, moi, après, c'est ma manière de faire. Mais du coup, en rentrant dans l'asso, j'ai commencé par un service civique. Parce que, en même temps, avant, j'avais fait très peu d'engagement avant. Mais du coup, j'ai commencé par un service civique. Et tout de suite, ça m'a donné beaucoup d'importance au sein de l'asso. Et après, Coexister, c'est une asso un peu particulière où vraiment, c'est pour la jeunesse. C'est par les jeunes, pour les jeunes. Donc, pour être bénévole, il faut avoir moins de 35 ans. Et on est tout de suite mis au centre, quoi. Mais directement, on a beaucoup d'espace, quoi. C'est une asso nationale, mais on nous pose des questions sur qu'est-ce qu'on veut porter comme message, qu'est-ce qu'on veut faire, et c'est nous qui choisissons. Et on peut avoir des contacts aussi, parce que c'est quand même une asso qui a sa place dans la France et qui peut donner des conseils au niveau politique. Donc il y a eu des rassemblements où on discutait des projets de loi et on disait « qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message aux politiques ?» Et puis du coup, on pouvait nous... Enfin, dans un coup, j'étais projetée et j'étais là en mode « je peux donner mon avis en fait ». Donc en tout cas, moi personnellement, le fait de m'engager dans une asso, ça m'a beaucoup aidée à me dire « je peux porter ma voix ». En fait, assez pareil pour des associations différentes. Du coup, j'ai commencé à ESN et maintenant à AnimaFac. C'est pareil, des associations qui ont une ampleur nationale, voire internationale pour ESN. Et du coup, vraiment, au début, ça se passe à l'échelle de Nancy. Pour ESN, j'accueillais des étudiants internationaux, je vivais ma meilleure vie, c'était bien. Et puis après, petit à petit, tu te rends compte que le fait que d'accueillir des étudiants internationaux à Nancy, ça fait qu'à l'échelle internationale, la mobilité internationale est encouragée et après, les gens qui retournent... Enfin, c'est vraiment un cercle vertueux de l'engagement, donc il y a plein d'étapes différentes, c'est indéniable. Mais du coup, je pense que les associations sont vraiment un bon moyen de faire les choses. Et après, c'est aussi ne pas se sentir éloigné. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de politique un petit peu. C'est essayer de se renseigner, de s'informer au maximum. Il y a plein d'étapes au-delà de l'engagement associatif, d'apprendre et de se remettre en question constamment. J'aime beaucoup cette notion-là. Et du coup, pour s'engager, c'est aussi faire attention à ce qui se passe autour de toi. Et si vous avez le temps, si vous le pouvez, allez rejoindre des associations, donner quand vous pouvez, et voilà. Et donc, à part les associations, vous n'avez pas d'autres idées pour s'engager un peu et avoir un peu plus d'importance dans la société que juste les associations, du coup? Je pense pas que ce soit une notion d'importance, mais après, il y a plein de choses d'engagement. Je parlais tout à l'heure d'alimentation. Rien que le fait de choisir de manger de manière végétarienne ou végane, ça a un impact énorme sur son environnement, sur l'environnement en général. Tout ce qui va être aussi défendre des idées. Je sais pas, un repas de famille où il y a quelqu'un qui fait une remarque sexiste, le confronter ou la confronter. C'est plein de choses aussi à cette échelle-là. Moi, personnellement, je suis très biaisée. Hein, je vois très vite la notion d'association parce que c'est ma vie de tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses. Oui, voilà, pareil. J'ai parlé d'association parce que c'est le parcours que j'ai fait. Mais comme dit Chris, au quotidien, tous les petits gestes que tu peux faire pour faire porter tes idées, en fait, moi, il y a une notion que j'aime bien. C'est si tu veux faire passer un message, en vrai, commence par toi-même agir de la manière dont tu voudrais que les autres agissent. Parce que c'est aussi un moyen de montrer, regardez, moi je fais ça, faites comme moi et vous verrez, c'est cool, tu vois. Et si t'es toi-même un modèle en soi, ça peut aider aussi. Après, forcément, c'est à petite échelle, mais chacun... chacun fait comme il peut, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, ça commence à petite échelle, et puis petit à petit, tu vas dire, oh tiens, moi je suis végétarienne, et tu trouves quelqu'un qui est végétarienne, et en fait, vous créez un groupe de végétariens, et à la fin, vous allez... C'est à quoi je pensais. Le végétarisme, c'est vraiment genre un super exemple, parce qu'il y a 10 ans, il y avait 3 personnes qui étaient végétariens et tu les regardais en disant mais quoi. Et aujourd'hui, au final, il y a de plus en plus de personnes, c'est banal. Et c'est quand même une preuve qu'un engagement personnel, avec le temps, ça porte aussi un message à plus grande échelle. Très bien. On va faire une petite interlude. Vous êtes toujours sur Co-exprimer avec Éléonore et Christine. On se retrouve juste après. Du coup, une interlude musicale avec Don't Stop Me Now de Queen. À tout de suite. Sonic Man out of you. supersonic woman of you. Sonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me Charlie, now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Coexprime sur Fadjet, animé par l'association Coexister Nancy. On est de retour sur Coexprime avec Christine et Léonore sur le thème de l'engagement des jeunes. Tout à l'heure, on parlait du rôle de la jeunesse dans la société, et maintenant, on va se recentrer sur l'actualité politique et sociale. Du coup, dans la période actuelle, est-ce que vous pensez que c'est important de s'engager ? Évidemment. On est en 2022, il y a les élections qui arrivent dans quelques mois. En fait, c'est super important maintenant de se mettre dans la société. Enfin, il y a tellement de bouleversements. Enfin, il y a eu la pandémie qui est là. Du coup, on était tous renfermés chez nous. Là, on peut bouger, on peut faire porter notre voix. L'élection n'est pas encore passée. Enfin, il y a tellement de choses à faire que oui, c'est super important de s'engager maintenant surtout en fait. Je suis totalement d'accord. En ce moment, il y a vraiment une émulsion un peu avec les élections. Tout le monde a un avis sur tout. Il faut vraiment prendre cette énergie-là et dire « Ah bah tiens, t'as un avis sur ça, bah vas-y, fais quelque chose. » Vraiment, et en plus, pour être très honnête, il y a plein de discours qui font peur aussi en lien avec les élections. Et du coup, c'est d'autant plus une raison, selon moi, de faire quelque chose pour défendre qui on est et qu'est-ce qu'on veut pour notre société. Et montrer qu'on est là. Ouais, totalement, carrément. Et puis, il ne faut pas hésiter à débattre aussi, d'échanger ses idées, etc. Bien sûr. C'est pas ça. Forcément parler qu'avec des gens qui sont d'accord avec nous. Exactement. Par rapport à ce que disait Léonore, il y a Animafac qui a bossé l'année dernière sur une enquête, ça s'appelle La rentrée d'après, qui faisait un peu un constat de la situation des étudiants pendant la crise du Covid, au niveau santé mentale, précarité, mobilité internationale. Il y a plein de choses qui se sont croisées dans cette enquête, et cette enquête a permis de donner des propositions qui vont être amenées au niveau national par rapport aux élections présidentielles. Et du coup, il y a aussi il y a des choses qui se font vraiment sur la longueur, et c'est aussi pour montrer le fait que en fait notre vie, notre réalité à chacun et chacune, c'est un truc qu'on peut porter et qui est important à défendre. Voilà. Pour le coup, je pense que c'est vraiment important de montrer qu'on est là en tant que jeune, parce que personnellement, par exemple, j'ai trouvé qu'on n'était pas très représenté lors des allocutions, par exemple, genre pas beaucoup de mots sur nous, etc., sur les différentes façons de faire, d'être ou de faire, simplement, pendant cette pandémie, quoi. Ah, totalement. Et puis, il y a toute une infantilisation des jeunes. S'il y a une nouvelle vague, ça va être les assos étudiantes ou les étudiants qui font la fête. C'est vraiment de leur faute. Oui, c'est ça. À toute circonstance, on était blamés pour la situation sanitaire. Mm. Donc, c'est quelque chose qui était assez oppressant. Et pour le coup, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté mes études, parce que j'avais besoin de prendre une pause de tout ça aussi. Et du coup, je trouve vraiment important que les gens se défendent et puissent dire, en fait, c'est pas que les jeunes ont le droit d'exister et de vivre leur jeunesse, entre guillemets, sans vouloir passer pour une personne de 80 ans. Et puis, au-delà d'exister, juste de faire porter sa voix et de montrer qu'on existe, en fait. On n'est pas juste une pierre morte et un boulet pour la société. Oui, quoi. C'est ça. Et du coup, en ce moment, quels sont les sujets qui intéressent les jeunes ? Il y en a tellement. On va dire les principaux qui vous viennent à l'esprit. Je pense, comme tu disais, il y a la pandémie, après il y a l'écologie, il y a la politique, enfin la question de la enfin de social, enfin je sais pas comment expliquer, mais justice sociale un peu, l'argent, les voyages, l'inégalité femmes-hommes aussi, je pense que c'est un gros sujet en ce moment, absolument, d'autant plus à Nancy, mais vraiment plein de pourquoi d'autant plus à Nancy, parce qu'il y a une il y a plein d'actualités assez tristes qui se passent à Nancy, et du coup voilà, je peux développer, mais je sais pas si c'est l'espace Est-ce que vous avez un message à passer aux jeunes qui veulent s'engager? Faites-le, et attendez pas en disant je sais pas trop où aller, genre saisissez la première occasion et laissez-vous porter par les occasions, et ça va le faire, et une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage, t'as tellement envie d'y aller que c'est génial, donc fonce. Ouais, 100%, je suis totalement d'accord. Là je fais mon petit spot de promotion aussi, mais n'hésitez pas à aller me suivre, enfin c'est le compte que je tiens le temps de mon service civique, mais du coup la page Nancy Animafac sur les réseaux sociaux, il y a des possibilités d'être accompagné si t'as envie de faire quelque chose que tu sais pas quoi faire, envoie-moi un message et en fonction de tes envies, tes besoins et tout, je peux aussi aider là-dessus, donc bon, désolé pour le spot publicitaire, mais voilà. Et après sinon ça se fait vraiment à plein d'échelles, comme on disait avec Eleonore tout à l'heure, c'est... fais attention à ce qui se passe autour de toi, engage-toi dans des assos, dans partout, prends tous les espaces que tu peux et montre que t'es là, quoi. On peut retrouver aussi Eleonore sur le Instagram de Coexister, du coup. Ouais, c'est ça. Donc pareil, n'hésitez pas à envoyer des messages, à venir à nos événements, juste pour découvrir et voir si ça vous plaît. Et après, on vous laissera la place que vous voulez, sans souci, on est super ouverts, donc voilà, venez en fait, tout simplement. C'était votre émission Coexprime avec Eleonore de Coexister ainsi que Christine d'AnimaFac et moi-même. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Coexprime, une émission entre jeunes de différentes convictions.